On va parler de football. Hier, on a appris que les jeunes de football, après plus de 40 ans, vont faire une pause de 1 an. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, le directeur des communications, Éric Benoit, n'a pas voulu s'avancer si c'était une pause de seulement 1 an ou c'était pour toujours. On va écrire là-dessus Éric Benoit. Autant pour répondre à cette question-là, on a un comité là qui va se mettre en place puis qui va faire l'analyse de la situation là, et de voir quelles seront les décisions à prendre là dans la prochaine année, mais pas la prochaine saison, mais l'autre d'après. Mais on sait que pour la prochaine saison, là, on suspend question de sécurité. Il y avait 25 joueurs d'inscrits et le minimum est de 24. Explique Éric Benoit. Grosso modo, là, on avait au début de janvier, là, un nombre suffisant de joueurs, mais avec des circonstances là personnelles là, auprès de certains vétérans qui ont changé de programme, d'autres qui ont décidé d'arrêter, avec des recrues qui ont confirmé ou non leur présence, on s'est ramassé avec un noyau de 25 joueurs. Vous saurez que le minimum pour jouer, c'est 24. Ouais. Donc, avec un nombre aussi faible, on se voyait pas mettre en péril la sécurité des jeunes. Et c'est pour ça que la décision a été prise de suspendre l'équipe. OK. Éric Benoit mentionne que les joueurs qui vont vouloir jouer pour un autre collège vont pouvoir changer de collège. Explique Éric Benoit. Encore une fois, on va laisser le temps à nos joueurs d'encaisser la nouvelle, si on peut dire. On a communiqué avec tous depuis ce matin. Donc, on est sur des rencontres individuelles qui ont commencé très tôt ce matin pour pouvoir parler avec l'ensemble de nos joueurs. On va leur laisser le temps de réfléchir là, à leur avenir et à voir ce qu'ils souhaitent faire. Et par la suite, c'est sûr qu'on va regarder avec eux toutes les options possibles et pouvoir les aider là pour ceux qui voudront continuer une carrière en football, de voir si c'est possible pour eux de changer de collège. Dès qu'à hockey à Saint-Prime, il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, les Kids ont défait les Kings 3-2 pour les Kings. Ça a été que production de 1 but pour Jean-Éric Martel, Jérémy Dubois et pour les perdants, Samuel Rodrigue et également Alexandre Cloutier ont marqué les buts. Dans les autres matchs, maintenant, victoire de 9-1 pour la formation des Beavers contre les Décadences. À noter que Nicolas Trelin a marqué 3 buts et récolté 2 passes. 3 buts pour Rémi Langevin. Kevin Gagnon, 1 but, 2 passes. Et également Raphaël Landry a aussi marqué pour les Décadences. Faites à noter que pour les Décadences, les buts ont été inscrits par Olivier Coudé qui a marqué 1 but dans le match. Maintenant, autre match qu'il fallait surveiller également à Saint-Prime hier, victoire de 4-3 pour la formation des Stables Bleuets contre Terre et Mer. Pour les Stables Bleuets, notez que Jonathan Doucette, 1 but, Louis Potvin, 1 but, Joël Godreau et Yves Tremblay. Pour Terre et Mer, maintenant, les buts ont été inscrits par Jérôme Simard, Éric Castonguet et Mathieu Audette qui a marqué 1 but et amassé une passe. Et le club de golf de Chibougamau va ouvrir ses portes de façon officielle aujourd'hui à la population, aux membres et aux non-membres. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Nicolas Saint-Pierre, descripteur des matchs des Sénateurs qui se prononce sur le dossier Patrick Roy. Éric Benoit, directeur des communications, vient nous expliquer pourquoi les Genois d'Alma ne seront pas de retour, du moins pour la saison prochaine. Et également, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevue de DanRadioSport.com. Sport local et régional, à DanRadioSport.com, à son équipe.